Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. I Can't Stand the Rain est le premier titre de cet épisode de Copie non conforme, du disco à la clé avec Eruption, suivi de la version originale de Anne Peebles. My window, bringing back sweet memories. Yeah, window pane, do you remember how sweet it used to be? Just once. copie non conforme. I Am a Believer est une chanson de The Monkees, reprise en 1974 par Robert Wyatt. Now I'm a believer.

l'éclat de l'amour sonne la fin. Des mots, des mots, des mots. s'éteint. Le glas de l'homme où sonne la fin. Copie non conforme. Cat Power nous reprend I'll Be Seeing You, qui est une chanson de Billie Holiday, parue en 1947. Thank you.

A plu? Alors je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut!